Exercice 1, page 99. A. Temps. Temps. B. 100. 100. C. 20. Vent. D. Peinte. Pente. E. Fin. Fin. F. Teindre. Tendre.